On s'improvise. Ça donne chaud. Bien, salut, c'est samedi matin, il est 10h, c'est France Impro qui commence. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bonjour, on est trois derrière les micros. Quatre. C'est Jean-Michel au micro. Et on est quatre avec Philémon. Mais Philémon n'est pas derrière un micro, même si vous risquez de l'entendre. Et donc, il y a Dominique avec nous. Et il y a un invité ce matin qui est Eddy Boubaker. Salut Eddy. Salut. On va faire une émission spéciale, donc, comme vous l'avez deviné probablement, sur un festival qui va avoir lieu bientôt, dont tu vas nous parler, qui s'appelle Sonic Protest. Sonic Protest, ouais. Par quoi on commence? On commence par en parler un peu? Eh ben, on peut commencer. Ça se passe quand? Alors, ça se passera sur 3 jours. Le premier jour, c'est jeudi prochain, le 16 mars. Ça sera Maison Salvan, à la Beige. Donc il y aura un duo de Pierre Berthet et Ri Nakajima. Ça sera une installation sonore performance. Voilà. Ensuite, deuxième jour, ça sera le 24 mars, le vendredi 24 mars à Miris. Là, ça sera une grosse soirée avec 4 groupes qui envoient bien du gros son. Et la première soirée, c'est plutôt intimiste ou des choses plus calmes? Ouais, c'est, ouais. On pourra peut-être en parler. Enfin, je comprends. On en parlera plus tard. On va développer ensuite. Ouais, ouais. Et donc, la soirée du 24 mars, c'est 4 groupes avec The End. C'est un trio dans lequel je joue avec Fabien Duscombe et Mathieu Verschowski au violon. Après, il y a les Flying Lutenbach. Alors, je ne sais jamais comment prononcer leur truc. C'est sur une période longue. Tu as dit ça a commencé le 16. Après, il y a une date le 24, 16, c'est voilà, ça? Après, il y a une semaine de battement. Ouais. Ce n'est pas un festival concentré. En fait, il y a 3 jours. Il y a le 24 et le 25 qui sont rapprochés, mais sinon... D'accord, c'est le 16, le 24, le 25. Ouais. OK. Voilà. Et que dire d'autre? En fait, que Sonic Protest, en fait, à la base, c'est un festival qui est né à Paris il y a 14 ans. Mm-hmm. Voilà, qui a grossi, qui est basé vraiment sur les musiques expérimentales en tout genre, en fait, de toute esthétique, de tout, mais vraiment sur l'expérimentation en musique, musique improvisée, free rock. Et tu dis qu'il est né à Paris, ça fait combien de temps que ça existe? 14 ans. 14 ans, donc ça commence à faire, ouais. Et donc, c'est un festival national? En fait, c'est un festival parisien, puis au bout d'un moment, ils ont commencé à grossir, donc ils ont fait venir des artistes un peu partout dans le monde. Mmh. Et du coup, ils se sont dit, c'est un peu idiot de faire venir que pour un concert à Paris. On va essayer de les faire tourner un peu en France. Ouais. Donc, ils ont demandé un peu en région qui voulait accueillir tel artiste. Donc, du coup, c'est un peu essaimé. Du coup, ça a gardé l'appellation Sonic Protest. Ça avait du sens. Donc, c'était de faire tourner les artistes qui sont invités pour le protest à Paris. Et puis de les mélanger avec des artistes du coin ou des propositions locales. Et du coup, ça garde le nom Sonic Protest parce que ça fait quand même... Et du coup, le fait qu'il y ait la durée comme ça qui soit importante, c'est parce que les artistes, ils tournent en France pendant toute cette période-là, sur quasi 15 jours. En fait, le Sonic Protest Paris, il dure assez longtemps. C'est quand même un gros festival. Ouais. Je crois qu'il dure vraiment. Ça commence aujourd'hui. Je crois que c'est jusqu'au 25 aussi. Au moins 2 semaines. Voilà. Et après, voilà, les artistes qui jouent en début de festival, ils partent. Ils partent alors là, je sais pas, les Flying dont j'ai commencé à parler, ils doivent avoir 5 ou 6 dates en France. Après, il y a un autre groupe qui s'appelle Zoo qui va jouer aussi le 24 mars, qui doit pareil, ils doivent avoir 5 ou 6 dates. C'est bien, je trouve, d'avoir quelque chose de national, en fait, qui... Oui, mais voilà, il y a quand même le... Et puis chaque ville qui organise, c'est sa responsabilité, quoi, voilà. En pratique, quelles sont les villes impliquées, cette année? À part Toulouse, je crois qu'il y a Marseille, il y a un truc à Bordeaux, il y a à Tours, il y a un truc... D'accord, donc il y a quand même... À Lille, à Metz... Il y a du monde. Et à Toulouse, c'est la deuxième année, je crois, c'est ça? L'année dernière, ça s'était fait vraiment un peu à l'arrache. Arnaud, c'est le patron de Sonic Protest, m'avait contacté un mois avant que... En disant, il y a ces artistes-là qui veulent tourner, est-ce qu'il y a moyen de faire un truc à Toulouse? Donc, on avait monté un truc vraiment en dernier moment. C'était pas, du coup, c'était pas, plutôt pas mal. Il n'y avait pas beaucoup de monde parce qu'on n'avait pas eu le temps de vraiment de faire de la com dessus, etc. Et puis, voilà, donc, c'est dit, c'est que cette année qu'on allait recommencer avec un étage supérieur. Ouais, c'est super. Voilà. Tu veux qu'on écoute quelque chose, peut-être ? Ben, tu vois, oui, que t'as amené oui. beaucoup de sons, là. Ouais, j'ai amené pas mal de trucs. Je suis en train de réfléchir sur quoi, par quoi on peut commencer. Bon, on n'a qu'à commencer par... le dernier morceau. Et c'est un morceau de The End ? Non, c'est un morceau. Ouais, non, ça serait logique. Ouais, non. J'ai pas... enfin, le seul morceau de The End que j'ai amené, il dure 27 minutes 45. Ou peut-être, je sais pas. Peut-être... C'est le 23e, Zo Agora ? Voilà, c'est ça. Eh bien, c'est parti alors. Donc on vient d'écouter un truc qui s'appelle Zo Agora. Tu peux oui. nous en dire du mot, tu connaissais Eddie ? Pardon ? Tu connais ce groupe ? Tu peux nous en parler ou, Oui. Ou c'est... c'est le groupe qui va faire la clôture de la soirée du 24 mars ouais. à Miris. C'est un groupe indonésien, en fait. Un mélange de musique indonésienne et de musique expérimentale, post-punk, noise, voilà. Et c'est apparemment, c'est, enfin moi quand j'ai écouté ce groupe-là, ça m'a fait une grosse claque, quoi, parce que c'est vraiment. Là, c'est un album, ce qu'on a écouté, là, c'est un extrait d'un album en studio. Mm-hmm. Et sur scène, il y a une énergie monstrueuse, quoi. Il y a une intensité assez. Parce que le chanteur a une espèce de présence, un charisme, une voix monstrueuse. Mm-hmm. Enfin, vraiment, ça vaut le coup, quoi. C'est, je m'attends vraiment. C'est un gros. Une grosse attente pour moi de ma part pour ce groupe-là. Quoi. D'accord. C'est la première fois qu'ils viennent en Europe. Mm-hmm. Ouais. Alors que le chanteur était déjà venu ici avec un autre projet. Je crois que c'était au Sieste électronique. Et c'est pareil, il avait déjà fait un carton. C'était avec un duo, avec un gars qui joue d'un instrument indonésien dont que je ne connais pas. C'est un bambou avec plein de cordes tout autour. Mm-hmm. Je crois que ça existe au Vietnam aussi. Qui joue avec électrifié, avec un archer. Enfin, c'est très... Bon, ça, c'est un autre projet du chanteur de Zoo. Mais là, il viendra avec ce... Donc là, je crois qu'ils sont deux batteurs, une basse. Enfin, batteur plutôt... Un batteur et des percussions indonésiennes. Mm-hmm. Voilà. Et voilà. Ça sera un gros morceau du 24. peut-être qu'on peut parler de la semaine prochaine, le 16. Bah oui. Donc le 16, comme j'ai dit, à Maison Salvant, il y a le duo Berthe et Nakajima. C'est... Alors, c'est une installation À la base, c'est une installation sonore. Donc, il faut imaginer une grande pièce, genre Maison Salvan, c'est une galerie d'art contemporain, donc une grande pièce blanche, vide, avec plein de petits objets plus ou moins mécanisés, plus ou moins, qui font tous un peu de son, mais vraiment des objets, un espèce de bric-à-brac, voilà, donc avec des mobiles, je crois qu'il y a des mobiles aussi, je ne suis pas certain des mobiles. Mais enfin, y en a vraiment dans tous les sens. Et puis, il y a ces deux Pierre et Ri qui se baladent au milieu. Le public sera, je pense, un peu... c'est pas frontal, soit c'est pas un concert quand on se balade. Soit les gens se promènent au milieu des objets, soit ils s'assoient dans un coin. Enfin, voilà, et puis, pendant 45 minutes, il y a Pierre et Ri qui se baladent et qui actionnent les trucs. Donc, ça donne une musique très, très, très ténue, très poétique. On peut peut-être écouter un petit extrait là. J'aime pas trop parler des musiques. J'ai vu qu'il y en avait. Ouais, ouais. Donc peut-être passer voilà, un extrait qui est sur ma clé. N'importe, il y en a un extrait 1, extrait 2, extrait 3. Ben, l'extrait 1, il est très bien. C'est parti. Thank you. C'était Berthe Nakajima, c'est ça? Voilà, Juru Berthe Nakajima. C'est un extrait d'une performance. Voilà, ça dure. Ça donne une idée d'un peu de l'ambiance, des petits sons, etc. Donc il y a des montées en puissance, il y a des choses plus fines. Voilà, c'est très difficile de faire passer ça à la radio. Mmh. Parce qu'il y a autant à voir qu'à entendre, en fait. Puis être vraiment baigné dans le son. Il est que 10h15, il y a peut-être des gens qui se réveillent doucement. Oui, pour se réveiller, ça peut être super, bien. Pour s'endormir aussi. On vous le souhaite. Voilà. Donc je voulais peut-être rajouter pour cette soirée-là, en fait, on s'est arrangé avec y a un autre petit festival qui a lieu aux abattoirs en collaboration avec Isola Records et Emeric Eno. Donc du coup, on s'est arrangé pour qu'ils commencent un peu plus tôt. Il y a trois propositions, trois groupes qui commencent à 18h30. Ça finira à peu près vers 20h30, comme ça les gens pourront aller après à Maison Salvan, qui commencera à 21h30 du coup. Donc il y aura des covoiturages organisés. Ouais, pour l'instant, on a une dizaine de places dans des voitures. Donc voilà, donc c'est une chouette soirée aussi aux abattoirs, qui est entrée libre. Pareil, à Maison Salvan, c'est entrée libre. Donc soirée gratos. C'est pour une musique. Ça se situe où, là, Maison Salvan? C'est à la Beige. C'est pour ça qu'il faut un covoiturage. Ouais, c'est mieux parce que... Le métro, c'est pas évident. Non, le métro à la Beige, c'est un grand débat. Hein. oui. Il y aura jusqu'à Ramonville, après je ne sais pas s'il y a des bus. Il y a des bus, mais le soir comme ça, il faut y aller en voiture. Je pense que les bus, le soir, c'est plutôt... Ouais, donc de toute façon, il y a des covoiturages organisés. Mmh. Donc il faudra le dire pour les gens qui vont aux abattoirs, il faudra dire je veux aller genre à la caisse ou je ne sais pas quoi. Ouais, excellent. Voilà. Donc il y a moyen de faire les deux soirées. Et ça, c'était le 16. Donc la soirée du 16. Il y a d'autres choses ou voilà, c'est ce qu'il y a le 16. Il y a déjà beaucoup de choses le 16, dont en particulier ces deux propositions qui sont un peu connectées. On n'a pas pu mettre tout dans le même festival, mais en fait l'idée était la même parce que musicalement ça faisait vraiment sens. Voilà, donc il y a vraiment une forte... Donc en fait le 16, il faut commencer aux abattoirs à 18h. 18h30. Et puis voilà, après Maison Salvan jusqu'à 20h30. Ensuite il y a des voitures, y a un petit train de voitures qui va partir jusqu'à Maison Salvan. Puis les gens seront ramenés soit au métro, soit même dans le centre. Je crois qu'il y a des voitures qui iront dans le centre. C'est bien ça. C'est bien organisé. C'est bien ça, le 16. Bien. Et je voulais dire juste que c'était organisé aussi en partenariat avec le GMEA et donc Maison Salvan. Ouais. Voilà. Il faut citer des partenaires, à ce qui paraît. Ouais. Il y en a beaucoup. Ce festival-là, ce Sonic Protest Toulouse, ça a été possible parce qu'il y a vraiment beaucoup de partenaires qui sont... voilà, on a réussi à réunir pas mal, donc le GMEA, Maison Salvan, mais aussi le Pavé dans le Jazz, Anarché dans le Monca, Miris, Collectif IPN, Un Revenu. Donc, je trouve qu'il y a... C'est bien, voilà. Je trouve. Ça diffuse. Ouais, ça diffuse, ça rassemble un peu les énergies, ça croise les publics, enfin, voilà, tout un tas de trucs qui font que c'est bien. Ouais. Ok, après donc, soirée du... Ou alors on se passe à notre extrait, mais peut-être tu as beaucoup de choses parce qu'il y a deux soirées. Il y a encore pas mal de choses. On va parler du 24 alors. Ouais, on va peut-être parler du 24. Donc le 24, on a déjà un peu parlé. Donc il y a Zien, donc c'est le groupe local de la soirée du 24. Après, il y en aura ce groupe dont j'arrive jamais à prononcer correctement le nom, les Flying Luttenbacher. Mais ce qui paraît, il ne faut pas le prononcer comme ça, mais je ne sais pas. Qui est un groupe assez mythique qui. Disons de free metal noise improvisé des années 90-2000, qui a eu pas mal qui était vraiment à la base, qui est centré sur une personne qui est Wessel Walter, qui est le batteur, qui est aussi guitariste, même multi-instrumentiste, guitariste, bassiste, mais en fait là dans ce groupe là il se concentre surtout sur la batterie. Qui ont fait beaucoup d'albums, beaucoup de concerts dans ces années-là, mais à chaque fois avec un personnel différent. Voilà, il y a Wessel qui invite des gens. Et là, donc, du coup, 10 ans après, ils se reforment spécialement pour le festival, pour le Sonic Protest. Donc voilà, on a le droit à la réformation des Flying Luttenbacher. Avec une formule guitare-basse-batterie qui se rapproche d'albums comme The Void, par exemple, d'après ce que dit Wessel. Ouais. Et du coup, l'extrait que tu nous as amené. Voilà, donc j'ai amené du coup deux extraits de l'album The Void, parce qu'il n'y a pas encore de son de cette nouvelle formation. Bon, écoute, on peut écouter par exemple voilà, le 6 là. We'll be right back. Voilà, je coupe parce que le morceau fait 27 minutes et on a plein d'autres choses à passer ce matin. Donc, on vient d'écouter deux groupes de la soirée du 24 à Mixarmiris. C'est ça. Le premier, c'était donc Flying Luttenbacher dans un album de The Void qui est ancien. Ouais, un album de The Void qui date de 2004. Ouais. Voilà. Et le deuxième groupe, c'était le groupe local, The End. Voilà, The End. C'est un extrait d'un album qui vient de sortir. D'accord. Un live d'un festival à Poitiers. Et ça va jouer en début de soirée, le 24, à Miris. Voilà, donc l'ordre c'est The End, à partir de 20h, The End, les Flying. Ensuite, on aura Happy Wiz. Attends, juste avant qu'on parle de la suite là, parce que ça m'intéresse, l'album qui vient de sortir de The End là, c'est sur un revenu, c'est ça? Non, c'est sur un label qui s'appelle Le Petit Label. Le Petit Label, d'accord, ouais. Ok. Voilà. Bon, je chercherai parce que c'était vachement bien, je trouve. Ouais, on est content. En plus, c'était un live, je ne sais pas, le son était super. Ouais, le son était très bien enregistré. On a fait un bon boulot de mastering derrière. Ouais. Mais voilà, sinon, c'est du. Il n'y a pas d'édition, il n'y a pas de. C'est concert. Voilà, brut. Super, bah, tu peux continuer. Donc du coup j'ai été le troisième groupe donc c'est Happy Wiz et ça c'est une proposition d'un archer dans le Yucca. C'est un groupe bordelais, donc c'est un groupe qui existe aussi depuis 20 ans et qui fait une musique je sais pas comment dire, une espèce de free rock festif cartonne bien, quoi. Avec Yann Saboya à la guitare, qui est assez connu puisqu'il a joué il n'y a pas très longtemps à Toulouse, pour ceux qui sont allés au Taquin il y a 15 jours. Après, je ne sais plus les noms de tout le monde, mais je ne sais pas, on va peut-être pas dire tous les noms, parce que je crois que je n'ai pas noté les noms de tous les membres du groupe. Il faut aller les voir, ce sera plus facile. On peut écouter un petit morceau, on peut écouter un morceau assez... Voilà, le premier, du coup, de ma liste, là. Ouais. Happy Wiz, Pompon. Pompon, voilà. spectateurs. La présence de spectateurs me bouleverse par son mystère, parce que chaque personne venue au concert a suivi un itinéraire anonyme, comme elle a suivi l'intuition, consciemment ou non, qu'il faut vivre la fugacité des émotions. Je suis moi aussi spectateur. Je connais cette étrangeté que de venir au spectacle. Le moteur qui me pousse à m'y rendre ne cesse de m'étonner. Est-ce que j'y vais pour jouir de l'éphémère? Parce que chacun des moments vécus va disparaître? Parce que l'artiste sur scène s'entraîne à mourir de toute éternité? Je ne joue donc pas pour les spectateurs, mais avec eux. Chacun participe à ce moment singulier qu'est le concert. Dans l'attente de l'inattendu, dans l'attente de reconnaître aussi, et puis pour ne plus rien attendre. Nous sommes tous dans le travail de l'écoute, autant passif qu'actif. La présence de chacun participe au réel vibratoire, avec ses interactions, dans le tissu de ses interactions. Chacun s'empare et lâche à des rythmes divers, construisant comme un réseau mouvant d'écoute. Prendre et lâcher, d'où le mouvement qui fabrique de l'énergie, de la présence. C'est un extrait, comme chaque fois, de l'abécédaire d'une expérience de Lee Kuan Yin sur l'improvisation. Voilà. On venait d'écouter Happy Wiz. Ça sent qui n'est pas du tout improvisé. C'est pas du tout de la musique improvisée. Ouais. Ouais, d'ailleurs, c'est un festival musique expérimentale, mais y a pas c'est pas forcément un pro dedans. Enfin, c'est, non, c'est pas forcément c'est un pro. Expérimental. C'est, ouais, puis même Happy Wiz, est-ce que c'est vraiment expérimental? Je sais pas. Mais... C'est vrai. Quand on l'entend, ça peut, ça pas l'air. Enfin... Bah non, mais après ils ont des. Ça c'est vraiment, c'est un peu leur tube. Là. D'accord. Ils ont cette faiblesse. Ouais, je me dis tiens, dans une émission musique improvisée, on va passer un truc, on va passer un peu du zouk là, et puis voilà. Mais c'est très bien. Il faut et se puis, méfier des étiquettes. Voilà. Il faut garder les oreilles ouvertes. Ça prouve qu'ils sont pas. Et puis il y a des, enfin voilà, c'est leur tube, mais c'est, on n'entend pas ça à la radio tous les jours non plus. Non, non. Après, il y a notre morceau qui est beaucoup plus expérimental, du coup. Mais bon, il y a un petit peu si on a le temps. Ah, il nous reste plus de 20 minutes, mais on peut passer à. À l'autre soirée, du coup. Après, c'est pas fini, parce qu'après ça, il y a Zou, dont on a un peu parlé tout à l'heure. Ouais. Donc après, la soirée finit par Zou. Ah oui, il y a quatre groupes le 24. Il y a quatre groupes le 24. Okay. Donc The End, Les Flying, Happy Wiz, qu'on vient d'écouter, juste avant les Kuan Yin, là. Et puis Zou, le groupe indonésien. On a déjà écouté un petit morceau, mais j'aimerais bien qu'on passe un deuxième petit morceau, oui. Le 21. Là. Je veux bien aussi, parce que j'ai pas été tout à fait assez attentif au premier morceau. Pardon. Ah. C'est moi qui fais des bêtises. Vas-y, envoie Jean-Michel. C'est parti. Yeah. C'était le groupe Zoo. Le morceau s'appelait Giza. Ouais, Giza, je sais pas. C'est l'indonésien, donc. Ouais. <J'aime trop. rire> Et donc ça clôture la soirée du 24 mars. Ouais, voilà. À Mixar. Bien. Voilà. Donc on passe au 25. On passe au 25. Parce qu'on va pas s'arrêter là-dessus. Le ça met bien la patate, ce groupe-là. Enfin, ces groupes. Zoo, du coup. Comme un zoo, ouais. C'est ça ? Ouais, comme un zoo, ouais. Mais ouais, bah c'est ça. Ok, donc le 25. Ouais. Donc le 25. Le 24, c'est le dernier groupe. Oui, donc du 24, c'est le dernier groupe de 25. Donc ouais. Maintenant, on continue avec on passe le 25. Au 25. Et ça a lieu où le 25 ? Le 25, c'est juste à côté, là, chez le collectif IPN. À l'IPN, ouais. Ouais, donc de pas d'ici. Enfin, ouais. Pour nous, parce que pour les gens qui écoutent la radio, c'est peut-être un peu plus loin. Donc le 25, c'est plutôt. En fait, il y a deux. C'est pas une soirée, il y a une après-midi. Commence à 16h et après il y a la soirée à 21h. C'est plutôt basé sur des projections de films, mais il y aura avant et après la projection des performances d'artistes locaux. Donc pour la soirée, donc l'après-midi à 16h, ça va commencer par une performance d'un groupe local, c'est des gens d'IPN qui s'appellent Youssef Panda avec Anthony Lille, Rémi Blanès, Benjamin Paré, et qui disent qu'ils jouent de la musique préhistorique, consciente de l'improvisation sans nom, de la cuisine brutiste, du vin rouge brillant, de la chanson sans parole, de la performance sans performance et de la musique sans musique. Voilà, c'est comme ça qu'ils définissent ce qu'ils vont faire. Ouais. Donc ça commence par ça à 16h, c'est 5€. Et ensuite, ça enchaîne avec une projection d'un documentaire sur qui s'appelle What About Me, The Rise of the Nihilist Spasm Band. Donc c'est un documentaire sur le Nihilist Spasm Band, qui est un groupe un peu mythique de l'improvisation noise bruitiste canadienne qui ont commencé dans les années 60 et qui en fait c'est des gars qui sont tous sauf musiciens, qui sont mis ensemble, qui ont fabriqué leurs propres instruments et qui ont dit, ben, on va faire du bruit ensemble. Il y a beaucoup de paroles dessus. Il y a un mec qui écrit et qui sont restés, qui ont fait leur truc dans leur coin pendant des années. Puis petit à petit, ils sont devenus un peu un groupe culte. Voilà. Donc là, ils seront en tournée en France, mais ils ne viennent pas à Toulouse. Nous, on n'a le droit qu'au documentaire sur eux, ouais. Ce qui est déjà pas mal. Ouais. Parce que c'est un documentaire qui date des années 2000, mais qui n'est jamais sorti, qui n'a jamais été vraiment diffusé. Mmh. Et là, il a été sous-titré en français exprès pour le festival. Donc voilà, on aura ça. Et l'après-midi se terminera sur une performance de Joaquin Rodriguez, qui fera un truc, qui est un peintre, trompettiste, danseur du local, ouais. Très intéressant, et qui va nous faire un truc surprise. Voilà. Un truc surprise, donc on n'a pas plus d'informations parce que... J'ai juste le titre de sa performance qui va s'appeler Offset Instinct. Offset Instinct. Voilà. Voilà. Joaquin qu'on connaît à France Impro, qui est connu comme le loup blanc, même beaucoup. Malgré sa couleur de peau. Alors, on peut peut-être écouter du coup l'extrait du film. Ouais. Peut-être même deux extraits à la suite parce que j'ai amené deux courts extraits, donc 8 et 9. Ouais. His claim to artistic fame was Guy Lombardo and his Royal Canadians. Lombardo was born here, but another musical group is now clamoring for attention. They're called the Nihilist Spasm Band. I dreamt I was living in paradise, but awoke from my dream at sunrise to discover I was still in London, Ontario. London, Ontario. I was still living there. I believe in the purity of the amateur, the unschooled genius. A great work of art was never created by a man out of breath. I want to be a famous London boy! years every week. To no audience. is mind-boggling. Earplugs. This is my mic. This is my theremin. Bill decided to start making retching noises by putting his finger down his throat and this kind of thing. And he got more and more adventurous with his finger as we went on, until he finally vomited on the microphone and on the floor, at which point the sound guy shut off all the equipment and, you know, it was crisis time. But the rest of the band just kept playing. Voilà, c'était le documentaire, un extrait du son du documentaire, ouais, c'est ça. De courts extraits du docu. Alors c'est vraiment des nihilistes, hein, apparemment. Oui, mais vraiment, ils vont jusqu'au bout de leurs idées, au niveau du son, au niveau de... Voilà, c'est vraiment des gens qui vivent ce qu'ils disent. Donc, le témoignage là, du deuxième extrait est assez rigolo, je ne sais pas si tout le monde a compris, mais c'est un gars qui parle d'un musicien qui se met le doigt dans la bouche pour faire des sons intéressants et qui va de plus en plus loin au fur et à mesure. Et un jour, il se fait vomir sur le micro. Voilà. Donc c'est vraiment un truc de nihiliste. Ou alors, je ne sais pas ce que c'est être nihiliste. C'est pas que ça, mais ouais, que le mec... Est... Voilà. Ben voilà, c'est un documentaire très intéressant à venir écouter et regarder. Le 25. Sur un groupe qui était un peu culte, qui l'est encore d'ailleurs. Ouais, ouais. Le 25 à l'IPN. 25 à l'IPN à 16h. Ouais. Et il y a une autre partie de la soirée, enfin c'est pas une soirée, puisque 16h, c'est, mm-hmm. c'est même le matin pour certains. Donc à 21h, il y a une deuxième série avec donc du coup là. Une performance, ça commence à 21h par une performance de Lucie Larrick, ouais. qui est aussi bien connue dans ses locaux, et ouais. des gens qui écoutent cette émission, je suppose, mmh. les milliers de personnes, de spectateurs. Elle est venue aussi nous parler, nous faire du son quelquefois voilà. également. Donc pareil, ça sera un truc créé pour l'occasion. Il y aura du violon, de la voix, je suppose, et puis peut-être d'autres choses, on ne sait pas. Ouais. Lucie, en solo, du coup ? Oui, en solo, oui. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Et ensuite, on enchaînera sur une projection donc, d'un film sur Tony Conrad qui s'appelle Completing the Present. Donc ça, c'est un documentaire récent qui est sorti en 2016, qui a été, pareil, sous-titré exprès pour le festival, sur un artiste un peu culte aussi des années de la musique, des arts expérimentaux, des années 60-70 à New York. Tony Conrad qui a collaboré avec plein de gens... genre Andy Warhol, Lou Reed et les... Comment ça s'appelle ? Ah d'accord, il faisait partie de cette... Le Velvet. Ouais, le Velvet Underground, voilà, tous ces trucs-là. C'est un peu toute cette mouvance-là. Et lui, c'était vraiment l'aspect musique expérimentale plutôt... ouais, c'est donc un grand monsieur. Et puis, on pourra écouter des extraits, mais on s'aperçoit que beaucoup de groupes qui refont maintenant des espèces de trucs à base de drones avec des rythmiques basse-batterie derrière, et ben, c'était tout déjà dans les années 60, quoi. Et, ben justement, peut-être qu'on peut écouter peut-être le générique de ce film, la piste 17, du coup. Ouais. That's the crazy thing. Tony Conrad, ouais. Voilà, c'était un petit bout du générique du film. Donc, Tony Conrad, on a deviné, est aussi violoniste. Ouais. Et oui, je trouve ça marrant parce qu'aujourd'hui, j'ai reçu un disque où, d'un groupe français que je ne citerai pas et qui disent qu'ils ont inventé une nouvelle musique, etc. Et c'est exactement ça. À part que c'est, au lieu de l'accent du violon, c'est de la trompette. Et j'ai écouté ça, je me suis dit, mais c'est pas possible. Ça veut pas dire que c'est pas bien, attention. Ça veut pas dire que c'est pas bien, mais enfin, voilà, on dit pas qu'on a inventé quelque chose. Quoi. Ouais, ça existe depuis, des années, depuis 40, plus de 40 ans. Mmh. Voilà. Enfin, voilà. petite... Donc, je sais pas qu'est-ce qu'on peut peut-être écouter, de... parce que c'était un très court extrait, il y a d'autres. Donc, le 25, il y a. Ouais. Donc, Lucy Larrick. En soirée, donc, après le documentaire sur les... Ouais, les 21h, ça, là, c'est la deuxième partie. La deuxième partie, soirée, ouais. 5 euros chaque partie, en fait. Ouais. Donc, la première partie à 16h, le 25, première partie à 16h, Youssef Panda, le docu sur les Nihilist Pass Band, et Walkin Rodriguez. Ouais. Ensuite, les gens font ce qu'ils veulent jusqu'à 21h, où ils reviennent, payent encore 5 euros. Et ça commence par une performance de Lucy Larrick, ce docu sur Tony Conrad, et ça finit par une performance d'Antonin de Temple, qui est un jeune gars qui sort de l'ISDAT et qui fait une performance à base de capteurs électromagnétiques, qui a différentes fréquences, différentes longueurs d'onde, et qui met en son et en lumière. Voilà. Donc il prend des capteurs, il capte l'environnement, voilà, que ce soit... tout ce qui est électromagnétique. Ah, l'IPN, alors, ça va être chouette. Voilà. Donc ça sera la fin du festival. À Toulouse. À Toulouse. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est une grosse journée le 25 aussi. Oui, grosse journée. À l'IPN. Voilà. Donc, Tu veux qu'on écoute un deuxième extrait du film sur Tony Conrad ou autre chose? Ouais, je sais pas. Y a on a des sons d'Antonin Non, j'ai pas de son. D'accord. Pas de son d'Antonin de Temple, j'ai pas de son de Lucy parce que ça serait une performance. Après, on peut. Mais enfin, il y a encore plein de choses à écouter. Je sais pas, vous avez peut-être envie de réécouter. On a quoi? Il nous reste 5 minutes. Donc, il y a des choses pour dans l'agenda aussi, des sonopages. Il y a des choses. Ah, mais attends, il y a un truc dont je veux parler. Oui, ouais, parce que. Oui, ce soir, c'est vrai qu'il y a une soirée. Alors, j'ai pas les. Au Dada. Je l'ai là. On peut peut-être en causer. Le 11. Donc, c'est. Tanz Mein Herz, Guillaume Hall et puis Manu Duval. Manu Duval, ouais, pardon. C'est ça, Manu Duval. C'est au Dada. Exactement, c'est au Dada. Ouais. Je sais plus à tu peux en parler de je ça crois que c'est à 20h. Je ne connais pas. 20h, non c'est pas écrit. Ouais, je C'est 20 heures pétantes, ouais, jusqu'à 23 heures. Voilà, c'est parce qu'il y a trois groupes et qu'il Dada, il faut absolument qu'ils arrêtent à 23 heures de faire du son. Le Dada, c'est un bar qui, un nouveau bar, très chouette, qui est pas très loin d'ici d'ailleurs aussi, qui est à côté d'Arnaud Bernard. Je me rappelle plus le nom de la rue. Là, il y a une, entre la rue qui va d'Arnaud Bernard vers le canal, il y a un casino. Juste avant le casino, sur la gauche, là, il y a un petit bar. Il s'appelle le Dada, qui avait ouvert il y a un petit moment, qui a été obligé de fermer à cause de la mairie, comme beaucoup de bars en ce moment, et qui a rouvert en début janvier, et qui m'ont demandé de faire de la programmation de musique expérimentale là-bas. La soirée de ce soir, c'est pas moi qui l'organise, mais voilà, qui vont de plus en plus faire de soirées. Je touche du bois pour pas qu'ils soient emmerdés pour ça. Donc là, c'est une grosse soirée. D'habitude, c'est plutôt un groupe qui passe, mais là, voilà. On fait c'est prix libre également. Enfin, c'est 5 euros conseillé, mais trois groupes. Alors, c'est une asso qui s'appelle le comité d'entreprise qui organise ça ce soir. Voilà, ça sera chouette. Moi, je vais essayer de venir. Et juste pour dire que moi, l'enchaînement qui tue, c'est que moi, j'organise une soirée au Dada, donc lundi soir. Le 13, donc. Ouais, le 13. Ouais. Donc, avec une violoniste qui joue du violon baroque amplifié, qui a un travail très, très intéressant sur le violon, qui s'appelle Prune Béchaud, et dont on peut peut-être écouter un extrait. Son spectacle s'appelle Trip et Poil. Trip et Poil, ouais. On en a parlé il n'y a pas longtemps. C'est ce que j'étais en train de me dire. Ah ouais. On a passé quelque chose d'elle, elle est passée ailleurs. Mais elle est passée en décembre au Festival Noise. Exactement. Voilà. C'est Sébastien Sirotto. Avec Sébastien. Qui était et là, c'était du violon pas amplifié. La différence entre... C'est que là, maintenant, elle a un travail sur l'amplification. Et puis, que le problème, c'est qu'à Noise, il n'y avait pas beaucoup de monde. Et je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ont envie d'écouter ce travail de Prune et qui n'ont pas pu être là à Noise. Donc du coup, on l'a fait revenir. Ah ouais. Et ça, c'est lundi soir au Dada. Alors peut-être qu'on peut écouter un extrait de... Il nous restera 2 minutes. Donc suivant, s'il y a une émission derrière nous, peut-être qu'on se quittera sur cette... D'accord, ok. Donc je ne sais pas. Au tout début de ma clé, il y a 3 extraits de son solo. Allez, c'est parti. Et puis si jamais, ben, on se revoit dans 15 jours avec Jean-Pierre Légrac. On parlera du pavé dans le jazz. Il nous a fait une programmation. Il va nous en parler. Bon week-end. C'est parti. Donc là, c'est Prune Béchaud pour lundi soir, le 13, au Dada. The